to you. I wanna you move your body. I wanna you move your body. I wanna you move your body. I wanna you move your body. Naked love, naked love. Naked love, naked love. Your body, I want to move your body. I want to move your body. I want to move your body. I want love. Stick around for a couple of days. Morning, mama, you know I'm going down this big road by myself. Good morning, brother, oh, I can't wait to go to the place of the damned. Ain't got no tears, no things to blame. The only time I trusted in someone, baby, it was a shame. So good morning, mama, take me down to hell now. Good morning, sister, don't you worry about that snake that screams your name. Good morning, mother, feeling sorry for ourselves, one is the pain. I felt so weird not seeing your glance, and all I gotta do with someone like you start my dance. Good morning, mama, take me down to hell now. Take me down to hell now. Won't you take me down to my hell? Good morning, devils, you're not so bad, that someone worse than you. There's always someone. Don't mean no devils, but men won't fight for what they can prove. What they can prove. I'm glad of being here, I have broke my chains, and suddenly a conscious statement seems to feed my veins. Take me down to hell now. Take me down to hell now. Take me down to hell now. And we will fall down with tears. It'll hurt so. But we'll touch the ground. And then we'll find our skies of blue. Le nouvel album de Sufjan Stevens, Javelin, était tout simplement son plus beau disque. C'est ce qui se murmure dans les milieux bien informés de FIP. Voilà bientôt un quart de siècle que la voix frissonnante de ce musicien nous parcourt les chines et nous donne envie de vastes étendues folk. Il démontre à nouveau et de la plus belle des manières son adresse à sculpter des mélodies aussi vulnérables que vibrantes. Superbe bande son pour nos plus beaux rêves. À écouter et à acheter les yeux fermés. C'est une sélection FIP. On en écoute tout de suite un extrait. Rest assured, words come easy. l'homme à tête de chou. Moitié légume, moitié mec. J'allais porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Du jour où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, à la feuille de chou, à scandale, qui me donnait le beefsteak. T'es fini, foutu, échec. Et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir mec, il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rencors, des clous. Ici ou dans la blanche écume Varec, sur la plage de Malibu. We'll be right back. Les premiers vendredis du mois, la Fondation Vuitton organise des nocturnes qui permettent de découvrir autrement et son bâtiment et ses œuvres, avec des événements, des concerts, des visites revisitées. À partir d'aujourd'hui, le bâtiment de Franck Gehry voit s'installer une rétrospective consacrée au peintre américain Mark Rothko, la première en France depuis près d'un quart de siècle. La Fondation a pu réunir pour l'occasion plus d'une centaine d'œuvres provenant des plus grandes collections institutionnelles, la National Gallery of Art de Washington, la Tate de Londres, la Phillips Collection de Washington, mais aussi d'autres collections privées, dont celle de la famille de l'artiste. L'exposition se déploie dans la totalité des espaces de la Fondation, selon un parcours chronologique qui va des premières peintures figuratives de Rothko à ses fameux Black and Grey. L'exposition Mark Rothko va s'installer jusqu'au 2 avril, tandis que les nocturnes continueront de se tenir tous les premiers vendredis du mois, et la prochaine est prévue pour le 3 novembre. Moi justement, nous vous avons réservé des places. Elles sont à gagner sur fi.fr. She's my witch. Baby called me daddy and she called me real slow. I asked her what she want and she said, I don't know, I get nervous. Man, I get nervous. I'm a nervous man and I tremble all in my bones. Oh, when she take me in her arms and she squeeze me tight, start to shaking in her voice and she say, everything's all right. I get the nervous man, I get nervous. I'm a nervous man and I tremble all in my bones. Feel like a lightning hit my brains. My heart beat like thunder. And she called me baby names. I get a nervous man. I get nervous. You know, I'm a nervous man and I tremble in my bones. Physique étonnant, un physique de rockeuse aristocrate, tel était Carla Bley qui nous a quittés hier. C'est son mari, le bassiste Steve Swallow, compagnon de vie et de musique, qui a confirmé la nouvelle. Carla s'est éteinte chez elle mardi matin. À 87 ans, la jazzwoman américaine laisse derrière elle une œuvre aux couleurs subtiles, autant inspirée du jazz que de la musique classique, religieuse ou folklorique. C'était l'une des premières femmes à se démarquer dans le monde masculin du jazz, en tant que compositrice et non en tant que chanteuse. À l'adolescence, le jazz l'appelle. Elle découvre Lionel Hampton, Jerry Mulligan, Chet Baker. Elle prend donc la route de New York à 17 ans et elle commence à hanter le Birdland, fameux club de jazz où elle se retrouve employée comme vendeuse de cigarettes. Elle va y croiser un certain Paul Bley, pour qui elle abandonnera son nom de jeune fille. Elle va partir en tournée ensuite avec lui comme pianiste et organiste, jusqu'à ce qu'il l'encourage à composer, impressionnée par ses talents innés de mélodiste. Il y a seulement 3 ans, elle sortait ce qui restera son dernier album, Life Goes On. La vie continue, certes, mais on aurait encore aimé apercevoir sa chevelure de lionne derrière son plano à la splendide et talentueuse Carla Bley. Ce soir, exceptionnellement, le Club des AFIP s'installera un peu plus longtemps que d'habitude afin de rendre dignement hommage à cette musicienne exceptionnelle. Thank you. So steeply in love, the harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run away. about the others, don't care what they say. I just want to make love to you night and day. Lost inside, deep within the pleasure palace of your warm skin, the nectar of your lips, the whip motion of your hips. I dream of you night and day. Your body is a half track, and you got me deep inside. Your body is a sur FIP. Fin 1969, en réponse à Woodstock, la côte ouest décide, elle aussi, d'organiser un festival qui se rêve légendaire. Il aura lieu sur le circuit d'Altamont. Les plus grandes stars de l'époque sont censées y participer, à commencer par les Rolling Stones. Hors de question pour la jeune Jenny et ses potes de rater le concert du siècle qu'ils rejoignent dans un combi Volkswagen qui fleure bon la marijuana. Altamont, paru chez Glénat, raconte en BD ce qui aurait dû être un beau festival gratuit, une célébration de l'amour et du partage. Au lieu de ça, la tragédie d'Altamont est devenue le symbole de la fin d'une époque. À travers le parcours de cette Jenny et de ses amis, Charlie Adlard et Eric Hanna reviennent sur cet épisode tristement célèbre du rock en nous livrant dans une BD ébouriffante le portrait désenchanté d'une jeunesse libre et rêveuse marquée par la guerre du Vietnam. Illustré par le dessinateur culte de Walking Dead, ce road movie graphique est à gagner, figurez-vous, sur FIP.fr. returns, you'll have to come here before you complete. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. Disappointing haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. This is not what I pictured. The colors are all blurred. This is not better or worse. This is just a different verse. 30 candles on the cake. I guess I'm not quite awake. Still singing about flowers. I keep on digging, I keep on searching for these unknown treasures. I don't know if I'm gonna find anything, but that's what my trip is all about, trial and error. A sun right then ablaze. I keep on. un peu plus de délicatesse. Mes émotions sont là en laisse. C'est absurde comme je te blesse. Je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Un peu plus de délicatesse. Mes émotions sont là en laisse. Je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Et si on se disait tant pis, tant pis, pis, pis. Un peu plus de toi. Un peu plus de délicatesse. Mes émotions sont là en laisse. C'est absurde comme je te blesse. Je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Un peu plus de délicatesse. Mes émotions sont là en laisse. C'est absurde. Je te blesse, je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. Mes émotions sont là en laisse. C'est absurde comme je te blesse. Je t'aime, je voudrais que tu t'apaises. La délicatesse selon Cindy Poche à l'instant sur FIP. Alors on l'avoue, on ne sait jamais très bien où est le I et où le Y dans le prénom Cindy. Mais on sait une chose, Poche s'écrit P-O-O-C-H. Cindy Poche est née en France. Elle a grandi au Cameroun, puis elle s'est installée à Lyon pour suivre des études littéraires tout en faisant de la musique. Chorale, gospel, elle finira notamment par participer au collectif lyonnais Tikaniki. Mais là, c'est toute seule qu'elle vient de sortir cet album, In Nomine Corpus, un album qui nous a attiré l'oreille et qui a atterri vite fait dans le panier de nos sélections FIP du mois d'octobre. Bravo pour la voix, bravo pour la musique et bravo pour les textes en français qui prouvent que Cindy Poche n'avait pas non plus volé sa place sur les bancs de la fac de lettres. morning when you rise? Do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality. I left years ago, it quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy, old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You are living a reality. I left years ago, it quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. Miserable woman, incredible moonshine. I'm all that I've got. What do you understand? I'm all that I've got. What do you understand? Watch my cheeks turning red when nothing is said. Nothing is said. I'm awake all the time 'cause I'm worried. I'm alive all the time 'cause I'm worried. Worried. Worried. Et de loin, ma voyelle préférée, bulle, cercle, ronde, planète, O est avant tout un son parfait. Il a la profondeur que n'a pas A, la douceur qui fait cruellement défaut à I, le mystère vers lequel U paraît tendre en essayant de faire se rejoindre ses bras malingres et surtout la musicalité imparable qu'on ne trouvera jamais chez E. Jeanne Chéral, à 5 ans, je suis devenue terre à terre. Vous écoutez FIP, bientôt 5h30. His CB 750 is taking her away in the Memphis rain. In the Memphis rain, that motorcycle madman has led her heart astray. In the Memphis rain, in the Memphis rain, please. Memphis rain, in the Memphis rain. Wishes are like lightning, don't you move too slow. In the Memphis rain, in the Memphis rain. Pain comes when you touch one and have to let it go. In the Memphis rain, in the Memphis rain, please. In the Memphis rain, in the Memphis rain, in the Memphis rain. Automatic City à l'instant sur FIP avec un extrait de leur nouvel album Humdrum à retrouver en concert le 4 novembre au Sub Pigalle, place de Clichy à Paris à 21h. Thank you.

It's a change in mood. Maybe there's something to learn. Good to wanna love and wanna do it well. Cause if there's none of it, what on earth is there to tell? But all but the chances, all but the chances. Strong, I've been learning it wrong. I've been searching a ton, been halfway and beyond. I swear I knew all along. I've been over the thought, it must be I forgot. If it's the fifth time that I say the same, then forgive me for it, you'll let me take all the blame. But if there's a chance to touch your heart again, I'll repeat myself till I lose count of this thing. Hear me sing. Oh, I've heard what they say about you, and I don't need an explanation of what will be true. Cause I wanna. Searching a ton, been halfway and beyond. I swear I knew all along. I've been over the thought, it must be I forgot. The chance is strong. I've been learning it wrong. I've been searching a ton. Been halfway in the unknown. I swear I knew all along. I've been over the thought. It must be I forgot. Thank you. Cette semaine, le grand bivouac s'est installé à Albertville, pardon, pas de tente ni de sac de couchage. Le grand bivouac, c'est un festival consacré aux films documentaires et aux livres. Cette édition conçue autour du très beau thème « Y croire encore » affiche cette année 56 documentaires qui nous font visiter pas moins de 32 pays. Ajoutez à cela des rencontres littéraires, des concerts, des expos. Vous avez jusqu'à dimanche pour voir ce qui vous attire et vous verrez qu'il y a l'embarras du choix sur le site de l'événement grandbivouac.com. On vous donne quelques idées qui ont attiré notre curiosité et nos envies. Par exemple, le film Samuel et la lumière qui nous emmène dans un petit village brésilien, Ponta Negra, peu à peu menacé par le tourisme. Il y a Les filles d'Olfa également en compétition à Cannes cette année. Les projections ont lieu au cinéma Le Dôme vendredi à 15h45 pour Samuel et la lumière et samedi à 20h30 pour Les filles d'Olfa. Côté musique, il y aura aussi Patkala, notre Patkala de FIP, qui retrouvera son âme de griot urbain pour emmener les plus petits entre Palabre et musique vendredi à 10h. Et ça, ce sera dans une librairie d'Albertville, la librairie des Bauges. On vous redonne l'adresse pour faire votre choix et votre foi aussi. Grandbivouac.com. Grandbivouac tout attaché.com. Vous écoutez FIP, il est 6h05 bientôt. And dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are widening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love.

Et mon sample, tu l'aimes, mon sample? Quand Deji Oji sample Brigitte Bardot, ce n'est plus vraiment, malgré le titre, Un jour comme un autre sur FIP. Let me know why you're on fire. What's your secret tactic doing it? Depuis plusieurs années, elle nous prouve qu'univers rose bonbon et attitude no features ne sont pas incompatibles. On écoutait Chai à l'instant sur FIP, extrait de leur dernier album en sélection FIP et qui s'appelle comme elle, Chai. Elle sera en concert au Badaboum à Paris le 3 novembre. Money for jam. Can't you see? don't steal.